Une personne vivante à ce moment-là présente une chose qui n'est pas définie. Il y a de la musique baroque. Il y a des mots qui se suivent, sans doute un titre, puis des noms de gens qui ont sans doute écrit une histoire et joué dans un film, puis le nom d'une personne qui n'existe pas, elle n'a jamais existé. Il y a une personne qui écrit une lettre avec un stylo ou peut-être une plume, en utilisant des mots en français qui forment des phrases. Ces phrases veulent dire des choses émouvantes, touchantes. Elle adresse cette lettre à une autre personne. On voit désormais que c'est un stylo-plume et que, à sa main gauche, cette personne a une bague assez grosse et des doigts fins avec des ongles. Cette même personne qui écrivait une lettre est désormais dans la rue. Mais on entend une voix qui continue à raconter ce que la lettre à l'autre personne raconte. La personne principale, celle qui écrit la lettre, marche dans la rue. Elle a un manteau. Elle fait demi-tour, elle est sur un trottoir, elle marche sur un trottoir, elle traverse une rue. La lettre continue. La femme marche. Elle décrit une personne qu'elle voit à une fenêtre, mais on ne voit pas la personne. Une personne à la fenêtre qui, d'après la femme ou la personne, sourit. Elle dit, cette personne à la fenêtre, cette femme, souriait à tous les hommes. Et elle leur faisait signe. On voit un autre personnage avec une cigarette ou un cigare qui a vu la personne à la fenêtre. Il la regarde. La personne à la fenêtre maintenant regarde la personne au cigare. Une personne définie comme un homme par la personne qui écrit la lettre rentre dans l'immeuble et ressort de l'immeuble un quart d'heure après. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit, c'est quelque chose que la personne qui écrit la lettre décrit. La personne qui écrit la lettre s'éloigne de l'immeuble avec la fenêtre à la personne qui sourit. On voit la personne de la lettre continuer à marcher. Elle traverse la rue. Elle parle de l'ignoble métier de la personne qui sourit à la fenêtre et de la façon gracieuse qu'a cette personne d'exercer cet ignoble métier. On ignore le métier. On continue à voir la femme marcher. Le personnage qui écrit la lettre est sans doute une femme, en effet. Elle a des caractéristiques qui font penser qu'au moment où le film a été filmé, elle aurait été communément considérée comme étant une femme. Il y a de la musique baroque qui joue, des violons, et des violoncelles et des altos qui jouent, et une contrebasse aussi. La femme continue à marcher, toujours sur le même trottoir. Elle veut, elle aussi, désormais sourire à des hommes, comme la femme de la fenêtre. C'est ce qu'elle raconte dans la lettre. On la voit désormais marcher sur l'île Rousseau. Elle est arrivée sur l'île Rousseau. Elle dit être perdue dans ses pensées. Il y a des pigeons, des mouettes, des vélos, des gens qui marchent. du mauvais temps, des signes. Sur l'île Rousseau, il y a un banc. Il y a deux bancs. Sur un des bancs, il y a un homme qui lit le journal, qu'on ne voit pas. C'est la femme qui écrit la lettre qui dit « Il y a un homme qui lit le journal sur un banc ». Mais on ne voit pas ce banc. Ni l'homme. Finalement, on aperçoit l'homme. L'homme regarde le journal, puis la femme, puis de nouveau le journal. La femme se cache dans le col de son grand manteau, puis elle cesse de se cacher, puis elle sourit. Elle repasse devant l'homme. On voit au fond des bateaux, des camions, des vélos. C'est le pont du Mont-Blanc qu'on voit depuis l'île Rousseau. La femme qui écrit la lettre parle d'agir par coquetterie. Il y a toujours les violons et les altos et les violoncelles et la contrebasse qui jouent le morceau en fond. L'homme continue à regarder le journal, puis la femme. L'homme est sans doute mort maintenant, la femme aussi, car tout cela a eu lieu il y a longtemps. Mais au moment où cela se passe, ni l'homme, ni la femme, ni l'autre femme à la fenêtre n'était mort. Les violons, les altos, les violoncelles et la contrebasse continuent. L'homme continue à regarder le journal, puis la femme. L'homme continue à regarder le journal, puis la femme. La femme se cache un petit peu dans le grand col de son grand manteau. Il y a de la buée quand elle expire. Elle raconte qu'elle ne sait pas de quelle façon sourire à l'homme. Puis elle raconte que finalement, elle lui sourit, mais on ne la voit pas lui sourire. Elle le raconte simplement. Ensuite, elle raconte un dialogue avec l'homme qu'on ne voit pas, mais qu'elle raconte. Puis elle raconte qu'elle s'enfuit et on la voit s'enfuir. En fait, on la voit s'enfuir avant qu'elle raconte qu'elle s'enfuit. Puis elle raconte que l'homme la suit en auto, et juste après on voit l'homme la suivre en auto. La femme court, elle s'enfuit, on pourrait dire, de l'île Rousseau. Elle est toujours sur le pont entre l'île Rousseau et la rive gauche du Rhône. On la voit courir le long de vitrines. Peut-être qu'elle retournait sur la rive droite du Rhône, c'est au fait difficile à dire. L'homme la poursuit dans un immeuble où elle semble habiter. Puis l'homme arrache la clé de sa main. Puis la femme dit qu'elle finalement cède aux avances de l'homme pour s'en débarrasser. L'amie à laquelle elle écrit une lettre s'appelle Françoise. Et elle veut convaincre Françoise, dit-elle, de son innocence. Et ça se termine comme cela, au milieu du morceau. Les violons, les altos et les violoncelles et la contrebasse s'arrêtent brusquement, comme le film.